بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، on continue بإذن الله nos cours de fiqh sur l'explication de ce livre Masalikin, écrit par l'imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, et nous sommes arrivés au chapitre concernant al-mash al-khuffain, yani le fait d'essuyer ou de passer les mains mouillées sur al-khuff, yani les chaussettes, les chaussons, ce qu'on porte aux pieds. On avait déjà expliqué la première partie du chapitre et on va continuer. En effet, l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il mentionne an Anas marfou'an idha tawadda'a ahadukum wa labisa khuffayhi falyamsah 'alayhima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in sha'a illa min janabatin, rawahu al-Hakim wa sahahahu. Donc Anas radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si un d'entre vous fait les ablutions alors qu'il porte donc des chaussons ou des chaussettes, alors qu'il essuie dessus, qu'il passe les mains mouillées dessus, et qu'il prie ensuite avec celle-ci, ni avec les chaussettes ou avec les chaussons, et il ne les enlève pas s'il le souhaite, excepté si on est en état de janaba, ni de grande impureté, après un rapport avec son épouse, ou après que le mani soit sorti, etc. Donc là, on est obligé d'enlever les chaussettes. Mais pour l'impureté mineure, ou plutôt pour lorsqu'on est en état où on a perdu al-wudu, alors là on peut essuyer sur les chaussettes. Wa dhakara kadhalika al-ulama min ash-shurut an takuna al-khuffayn tahiratayn fi dhatiha, ya'ni la yalbas khuffayn min jild najis ka jild al-mayta أو جلد الخنزير مثلا، هذا حرام أن تلبس شيئا نجسا. Également, les savants de l'islam ont rajouté comme condition, et à la fin du chapitre on va rementionner les conditions, on a dit premièrement que parmi les conditions pour pouvoir essuyer sur les chaussettes ou les chaussons, qu'on les ait portées en état de pureté, et là il dit une autre condition, c'est laquelle? C'est que la chaussette ou le chausson soit pure en elle-même. C'est-à-dire que ce ne soit pas une chaussette ou un chausson fait de matière impure. Comme quoi, par exemple, comme le cuir de porc, par exemple, ou le cuir de la bête morte. Et donc là, j'ouvre une parenthèse, mes frères, sur un sujet, et on va sortir un petit peu du livre. Concernant les différents types de cuir qu'on peut avoir dans les chaussures, qu'on peut avoir dans les ceintures, qu'on peut avoir dans des blousons, canapés, le cuir en général, comment il est utilisé. Car le cuir, il est de différentes façons. On peut avoir du cuir de bœuf, du cuir de mouton, de cuir de porc, etc. Donc quel est le jugement de ce cuir? Premièrement, le cuir des animaux dont on mange la viande. جلد حيوان مأكول اللحم وقد ذكي زكاة شرعية. Donc le cuir des animaux qu'on mange la viande et qui a été égorgé de manière shar'i, yani de manière légiférée. Jour du Eid, Tabaski, tu prends ton mouton, tu égorges ton mouton. Quel est le jugement de ce cuir? Hein? Tu prends une vache, bismillah, tu égorges la vache. Donc c'est un animal qu'on mange et elle a été tuée de façon légiférée, chérie. C'est quoi le jugement? Hadi juloud, hadi juloudun tahira bi ijma' ahli al-ilm. Sawa dubirat am lam dudbar. Yani ce cuir, il est pur selon le consensus des savants de l'islam. Qu'elle a été tannée ou non. Hein, vous savez, le cuir, on peut le tanner. Il y a une manière de faire. Hein, on tanne le cuir afin d'enlever les impuretés, afin de nettoyer ce cuir. Il y a une façon de faire. Il y a un procédé à respecter. Donc, cela, c'est ce cuir-là dont on mange les animaux, dont on mange la viande, hein, et qui a été tué de façon légiférée, alors selon le consensus des ulema, il est pur, ce cuir. Qu'il a été tanné ou non, on peut utiliser directement la peau ou alors on la tanne. Thaniyan jild hayawan ma'kul al-lahm wa lam yuzakka zakatan shar'iyya. Yani hukm al-mayta. Deuxième catégorie, c'est le cuir ou la peau des animaux dont on mange la viande, mais qui n'a pas été tuée de façon légiférée. Hein? Par exemple, on l'a trouvé mort dans la brousse. On a trouvé un mouton mort dans la brousse, par exemple, ou une vache. C'est quoi le jugement de la peau? La peau de cette bête, est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est impure? الجلد يكون نجسا فإذا دبر صار طاهرا. Cette peau là, ce cuir là, ou cette peau, la peau de cette bête, elle est impure. Et si elle est tannée, si on la tanne, alors elle devient pure. Hein? قد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني جلد ذبائح البربر والمجوس فقال دباغه طهوره فقال ابن بطال وعلى هذا جمهور العلماء وإمة الفتوى وذكر ابن القصار أن هذا آخر قول مالك وهو قول أبي حنيفة والشافعي. Donc il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim Rahimahullah, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a mentionné, on a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant cela, yani concernant la peau, hein, des bêtes égorgées par les berbères et par les majous, yani des gens qui ne sont pas musulmans. Et donc la bête n'a pas été égorgée de façon shari, de façon légiférée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, le fait de tanner rend pur le cuir de cette bête. D'accord? Et donc, hein, Ibn Battal, parmi les savants maliki, a mentionné que cet avis-là, c'est l'avis de la grande majorité des savants et des imams. Hein? Et Ibn Qassar a mentionné, hein, qui est mort en 397, il a dit, et ceci est le dernier avis de l'imam Malik. Et c'est l'avis de Abu Hanifa. Et c'est l'avis de Shafiri. Donc la bête qui est trouvée morte, mais c'est une bête dont on mange la viande, comme les moutons, les vaches, les bœufs, les chameaux. Si la bête est trouvée morte, on ne sait pas comment elle a été tuée. Elle n'a pas été tuée de façon légiférée, alors elle est impure à la base. Mais si on la tanne, elle devient pure. Troisième catégorie de bêtes, Julud al-Siba' mithlu, hein, Jald al-Asad wal-Namir. De troisième catégorie, c'est la peau, P-E-A-U, hein, la peau des comment on les appelle, des félins comme le lion, la panthère, le tigre, le léopard, le guépard, hein, ces animaux là, les prédateurs, les félins. هذه الجلود نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت. ولا يجوز استعمالها دبرت أم لا. Et donc, le jugement de ces peaux-là, c'est qu'elles sont impures. Que ces animaux aient été égorgés ou sacrifiés, qu'ils sont morts, qu'ils ont été tués, qu'importe la façon où ils sont morts, hein, qu'elle ait été tannée ou pas, la peau, elle est impure. Elle est impure. Hein. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Naha an julud al-siba' an duftarash kama rawahu al-Tirmidhi wa sahahahu al-Nawawi wa l'imam al-Albani rahimahumullah » Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit que la peau des félins soit utilisée comme tapis. Comme tapis et autres. Où, là où on peut s'asseoir, etc. Comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi, authentifié par al-Hafidh al-Nawawi et l'imam al-Albani. « Wa anil miqdam ma'adi karib » رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها رواه أبو داود وصححه الألباني. Également un autre hadith rapporté par Al-Miqdam ibn Ma'd Karib رضي الله عنه qui rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit de s'habiller avec le cuir ou la peau des félins et de monter sur eux, et de les monter comme un cheval ou un âne par exemple. Comme l'a rapporté Abu Daoud et authentifié par l'imam al-Albani. « Wa l'illa fi nahyi an isti'amali hadhi al-julud lima fiha min al-kibr wal-khuyala wa li'anna fiha tashabbuh bil-jabarira wallahu a'lam. » Les ulémas, ils ont expliqué que la raison dans l'interdiction d'utiliser les peaux ou le cuir de ces animaux, c'est pourquoi c'est qu'il y a dans ceci du kibr, un orgueil, ou le khuyala, le fait de se vanter, le fait de se montrer, et que ceci est une ressemblance aux tyrans, vous voyez les tyrans, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des peaux de tigre, de lion, devant, comme tapis, etc., pour montrer leur force, leur suprématie. Il y a une arrogance dans cela. Voilà pourquoi le ulama a expliqué pourquoi ceci a été interdit. Donc ça, c'est le troisième type de peau, la peau des félins. Rabi'an al-jild min hayawani ghayli ma'kul al-lahm min ghayli al-siba' mithl julud al-tha'abin wal-hamir wal-qurud wal-ghanazir. Quatrième catégorie et dernière catégorie qu'on va mentionner, c'est la peau des animaux dont on ne mange pas la viande, autre que les félins. Parce que les félins, on a vu que c'est haram quoi qu'il arrive. C'est impur. Comme par exemple la peau des serpents, la peau des ânes, la peau des singes, la peau des porcs. Tous ces animaux sont interdits de manger. Mais leur peau, qu'est-ce qu'il en est? Le cuir qu'on fait avec leur peau, qu'est-ce qu'il en est? Al-julud najisa. Sa wa dhubihat aw matat aw qutilat. Walakin law dhubirat ikhtalafa al-'ilm. La peau, elle est impure. Que l'animal a été sacrifié, que l'animal est mort, que l'animal a été tué, sa peau, elle est impure. Maintenant, le problème, c'est si on tanne la peau. Si la peau est tannée, qu'est-ce qu'il en est? Vous me suivez? Et c'est là, en fait, c'est sur ce sujet-là où il y a la divergence entre les différents savants de l'islam. Pour résumer, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais pour résumer, certains ont mentionné que la peau devient pure pour ces animaux lorsqu'elle est tannée, illa jild al-kalb wal khinzir. Ils ont dit la peau de ces animaux devient pure si elle est tannée, excepté la peau du chien et la peau du porc. Wa hadha al-qawl kama qala Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala alayhi jumhur al-fuqaha min ahli an-nazar wal-athar bil Hijaz wal-Iraq wash-Sham. Ibn Abd al-Barr, ce grand savant de l'Andalous qui est mort en Ibn Abd al-Barr 356. Non. 56. Hein? 163. Ahsan. Comme qui on avait dit? Khatib al-Bardadi. Al-Khatib al-Bardadi. Ahsan. Je t'ai pris au dépourvu là, je t'ai pris. Non, l'imam Ibn Abd al-Barr a mentionné que cet avis-là, l'avis que les peaux deviennent pures après avoir été tannées de ces animaux, excepté le chien et le porc, c'est l'avis de la grande majorité des gens de science, des gens du fiqh, parmi les gens de l'Hijaz, de la région de Médine et Mecca, les gens de l'Irak, les gens de l'Irak et les gens du Chem. Le Chem, c'est la région qui se trouve au nord de l'Arabie Saoudite, qui représente la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. ويدل لهذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبر الإهاب فقد طهر رواه مسلم. Et ce qui vient prouver ou ce qui vient indiquer cet avis là c'est le hadith rapporté dans Sahih Muslim où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit si la peau avant d'être tannée est tannée alors elle devient pure, الإهاب والجلد قبل أن يدبر. وهي ذلك وهي عفوا نعم. Donc ici le prophète sallam a mentionné si la peau avant d'être tannée on la tanne alors elle devient pure. واستثنى من ذلك الكلب والخنزير لأنهما نجسان في حال الحياة. Ils ont, les savants donc de cet avis là, ils ont donné une exception qui est le chien et le porc, car ces animaux sont des animaux impurs durant leur vie, comme ils expliquent, durant leur vie. Donc même après leur mort, le fait de tanner ne les rend pas purs, comme ont mentionné les savants de cet avis-là. قال ابن عبد البر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبر فقد طهر قد دخل فيه كل جلد إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك. Ibn Abd al-Barr, encore une fois, il mentionne que la parole du prophète, que toute peau qui est tannée devient pure, cela englobe toutes les peaux, et excepté le fait que la grande majorité de nos pieux prédécesseurs ont été unanimes pour dire que la peau du porc, la peau du porc, du cochon, elle ne rentre pas dans cela. D'accord ? Et il y a un deuxième avis, des gens de science qui mentionnent que la peau des animaux dont on ne mange pas la viande, elle ne peut pas être purifiée même après être tannée. Même après être tannée, et ça, c'est l'avis de l'imam al-Awza'i, de Shir al-Islam, et de Shir Muhammad ibn Ibrahim, et de Shir ibn Baz, et Shir al-Uthaymin, rahimahumullahu ta'ala. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais sachez qu'ici, sur ce sujet, donc, il y a une divergence. Donc, on résume, il y a quatre catégories. La première catégorie, la peau des animaux qu'on mange, la viande, et qui a été égorgée de façon légiférée. Là, la peau, elle est pure, avant et après le tannage. Ensuite, il y a la peau des animaux qu'on mange la viande, mais qui n'a pas été tuée de façon légiférée. La peau est impure avant le tannage et pure après le tannage. Ensuite, il y a la peau des félins. Ça, on a dit que c'est impur, quoi qu'il arrive, qu'ils soient sacrifiés ou non et qu'ils soient tannés ou non. Et ensuite, on a quatrièmement la peau des animaux qu'on ne mange pas la viande, autre que les félins, avant le tannage. Elle est impure et c'est après le fait d'être tannée où là les savants ont divergé. Certains ont dit qu'elles deviennent pures et d'autres qu'elles deviennent impures. Pourquoi on parle de tout ça? C'est vrai que je suis un peu sorti du sujet, mais c'était pour comprendre. C'est que si on a des chaussons en cuir, elles ne doivent pas être en cuir de porc. Parce qu'on voit que le cuir de porc est impur, même après le tannage. Donc faites attention. Si vous portez des chaussons avec du cuir, faites attention que ce n'est pas du cuir qui soit impur. Donc parmi les conditions les ulama ont cité, c'est que la chaussette ou le chausson soit pur. D'accord ? وكذلك ان تكون الخفين ساترتين الى الكعبين قد تكون فيها ثقوب لكن اصلها تستر الى الكعبين كما قال الثوري رحمه الله تعالى والخفاف المهاجرين والأنصار إلا مغرقة ومشققة ومرقعة كانوا في الفقرة رضي الله عنهم. Et donc une autre condition pour pouvoir essuyer sur les chaussettes, c'est que les chaussettes recouvrent la cheville. Hein, c'est que la chaussette recouvre la cheville. Hein, qu'elle soit trouée ou non, elle peut être trouée. Hein, mais la base, il faut qu'elle recouvre la cheville. D'accord ? Ça, c'est une condition également que les gens de science mentionnent. C'est que la base, que c'est que la cheville, et la chaussette ou le chausson recouvre la cheville. Hein, généralement, ils font quoi ? Ils font l'analogie avec quoi ? Quand tu fais les ablutions. Quand tu fais les ablutions, n'est-ce pas que tu laves ta cheville, tu dois passer l'eau sur la cheville. Donc ils disent pareil, il faut que la chaussette passe, ou plutôt recouvre la cheville. Donc des fois, il y a certaines chaussettes, vous avez remarqué, elles s'arrêtent juste en dessous de la cheville. Donc selon certains savants, il n'est pas permis d'essuyer dessus car elle ne recouvre pas la cheville. Concernant les trous, souvent les gens questionnent, d'accord, j'ai des chaussettes mais il y a des trous. Est-ce que c'est permis d'essuyer ? La réponse est oui. On peut passer les mains mouillées sur les chaussettes ou les chaussons qui ont des trous. Hein, ceci est permis. Et comme l'a mentionné à Sofiane al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, il a dit, et n'est-ce pas que les chaussons des muhajirin, c'est qui le muhajirin ? Les sahaba qui ont quitté la Mecque pour aller faire la hijra à Médine. Hein, et les ansar, c'est qui les ansar ? Ceux qui ont accueilli les muhajirin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il dit, n'est-ce pas que les muhajirines et les ansar avaient des chaussettes trouées, rapiécées, déchirées, hein? Et malgré ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit, attention, vous n'avez pas le droit de passer, vous n'avez pas le droit de passer sur vos chaussettes, s'ils sont troués. Donc ceci nous prouve qu'il est permis de d'essuyer sur les chaussettes, même si elles sont trouées, si elles sont déchirées, si elles sont rapiécées, etc. Hein? Fahimtoum? طيب فقال قال الامام سعدي رحمه الله تعالى فان كان على اعضاء وضوئه جبيره على كسر او دواء على جرح يضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرا. Ensuite il mentionne رحمه الله تعالى, si la personne, elle a sur un de ses membres dont elle fait les ablutions, un plâtre ou un pansement, ou une attelle ou quelque chose qu'elle ne peut pas enlever, qui permet de tenir une blessure. Et que le fait de laver, ça va lui causer du tort, ça va lui causer du mal. Alors il lui est permis de passer également les mains mouillées dessus, que ça soit ici dans la grande impureté ou la petite impureté, al-hadath al-akbar al-asghar, jusqu'à qu'il guérisse. Donc ici l'auteur il mentionne le jugement plus des chaussettes ou des chaussons, mais le jugement des plâtres ou des choses qu'on utilise pour soigner et qui peut être sur le bras, sur le pied par exemple, etc. Donc il est permis aussi d'essuyer dessus, comme pour les chaussettes. Cependant, il y a des différences. Parmi les différences, min al-furuq anna al-khuffayn lahuma waqtan mu'ayyan wa amma al-jabira bihasab al-kasr fayajuzu an tamsaha ila yazul al-marad. Donc là, parmi les différences, c'est que sur les chaussettes, il y a un temps défini, on a dit. C'est combien, on a dit ? Un jour et une nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. À partir de quel moment, on a dit ? À partir du moment où il a porté les chaussettes ? Par exemple, il a fait les ablutions. Eh ouais ? Il a porté ses chaussettes. Eh ouais ? À partir du moment où le premier essuyage, on peut le rappeler à titre de rappel, je me lève le fajr, je fais mes ablutions, je lave mes pieds, je mets mes chaussettes, je prie, ensuite je vaque à mes occupations. Avant le zohor, je perds mes ablutions, je refais les ablutions et j'essuie sur mes chaussettes. À partir de là, j'ai un jour et une nuit pour essuyer sur mes chaussettes. C'est-à-dire que le lendemain, à l'heure du dhuhr, un tisbar, si je perds mes ablutions, alors je dois enlever mes chaussettes. Je ne les ai pas enlevées depuis. D'accord ? Ça, on l'avait expliqué en détail lors du premier cours. Alors que le plâtre, non. Le plâtre, il n'y a pas un temps défini. Si j'ai un plâtre pendant un mois, je peux essuyer pendant un mois. Ça, c'est une des différences entre le fait d'essuyer sur le plâtre ou d'essuyer sur les chaussettes. وكذلك من الفروق أن الخفين يمسح من الأعلى كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين برأي لكان مسح الخفين من أسفله ولا من الأعلى وهذا بسند صحيح أما الجبيرة يمسح كلها. Donc parmi les différences, hein, le fait que les chaussettes on essuie de quelle partie? En haut, hein? Et la preuve, c'est le dalil, c'est la parole de Ali radiallahu anhu qui avait dit, si la religion était basée sur la logique ou sur la façon de penser des gens, on aurait essuyé dessous plutôt que dessus. Pourquoi? Parce que c'est dessous que c'est sale. Donc c'est dessous qu'on aurait essuyé. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, essuyer dessus, hein? Et ça subhanallah, c'est une preuve très importante, hein, dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on ne doit pas, hein, mettre en avant notre logique ou notre raison sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ont fait certaines personnes égarées. Hein, on l'a cité plusieurs fois durant nos cours, hein, mais certaines personnes ont fait passer leur raison et leur logique avant les textes. Et ils ont notamment, hein, rejeté le hadith de la mouche. Hein, le hadith de la mouche qui est dans Sahihain, dans les deux authentiques, ils ont dit non, ça c'est pas logique. Hein, le fait que si une mouche tombe dans ton verre, hein, retrempe-la dedans. Car dans une aile, il y a le poison, la maladie, et dans l'autre aile, il y a le remède. Ils ont dit non, ça c'est pas logique. Ça correspond pas à notre raison. C'est pas. On prend pas. Subhanallah. Le hadith est Sahihain. Ou également le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un peuple ne réussira pas tant qu'il y a une femme à leur tête. Ils ont dit non, ça c'est pas. Non, c'est pas possible. Regardez en Angleterre, Margaret Thatcher, hein, mashallah, elle a élevé l'Angleterre, etc. A'oudhu billah. Ils rejettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ils prennent comme preuve quoi, hein, Margaret Thatcher, a'oudhu billah. Ils ont fait marcher quoi? Leur raison avant les textes. Alors que Ali, radiallahu anhu, ibn Abi Talib, hein, le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son cousin, a dit, si la religion était basée sur la logique, on aurait passé dessous. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il a fait. Samia watana. On a entendu, on a obéi. On a dit, oui, pourquoi? Non, attends, oui, on fait dessous. Non, hein, ils n'ont pas essayé de négocier. Ils ont entendu, ils ont fait. Et ainsi doit être le musulman. Le musulman, il entend « Qala Allah, Qala Rasoul ». Il applique directement. Et pas comme aujourd'hui. « Non, mais attends, pourquoi? C'est pas logique. Non, hein, la science, elle a venu montrer que ça. Hein, » ils viennent t'opposer les textes avec les paroles des kofars, etc. Subhanallah. Et subhanallah, quand tu vois les kofars, ils affirment une chose de la religion qui a été prouvée il y a 1400 ans, hein, ils l'affirment. Ah oui, oui, regarde, eux, ils l'ont fait. Ah, ça c'est vrai, ils ont raison. Hein, ils ont besoin d'attendre que les kofars, ils l'affirment pour le croire. Alors que nous, on l'a cru dès le moment, hein, depuis 1400 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné. Car on sait que le prophète mayantiqu anil hawa, il ne parle pas de ses propres passions. On n'a pas besoin d'attendre, hein, que les kofars ils viennent nous confirmer cela. Hein, comme avec le siwak. Hein, les kofars, ils ont vu que le siwak, subhanallah, il y a tellement de bénéfices. Ils ont commencé à utiliser le siwak ou la circoncision, par exemple. Ah, maintenant, les musulmans, ah oui, bah eux, si ils ont dit que c'est bien, alors on va le faire. Alors que le prophète, ton prophète à toi, te l'a dit il y a 1400 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. وكذلك من الفروق أن الجبيرة لا يشترط لها طهارة لأنها عزيمة ليست رخصة والخفين رخصة قد لا أمسح الخفين لكن صاحب الجبيرة لا يستطيع أن ينزل الجبيرة. Aussi parmi les différences, c'est que il n'est pas conditionné que le plâtre soit mis en état de pureté, contrairement aux chaussettes. Les chaussettes, on a dit, il est obligatoire qu'on les mette alors qu'on soit pur pour essuyer dessus. Le plâtre, non. Hein, peut-être qu'Allah nous préserve tous. Hein, on a un accident de voiture. Hein, on n'est pas en état de pureté. Hein, on est à l'hôpital inconscient et le docteur, il nous fait un plâtre. Quand tu te réveilles, tu dis au docteur, oh, enlève-moi le plâtre, je n'ai pas mes ablutions, il faut que je fasse... Hein? Non. Yannis, il n'est pas conditionné pour essuyer le plâtre que tu l'aies mis en état de pureté. D'accord ? وكذلك من الفروق أن الخفين عند غسل الجنابة لابد أن تنزع بخلاف الجبيرة. Également parmi les différences, hein, c'est que quand tu es en état de janaba, de grande impureté, hein, après le rapport ou après que le mani est sorti, par exemple, hein, la plâtre, tu l'enlèves pas. Tu peux essuyer dessus. Alors que les chaussettes, non. On a vu les textes à ce sujet où tu es obligé, hein, de les enlever en état de grande impureté. D'accord ? وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وصفات مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. Et il nous dit donc la description, donc, ou la comment on essuie sur les chaussons, sur les chaussettes, hein, il suffit de passer les mains mouillées, hein, sur la plus grande partie du dessus. D'accord. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. Alors que le جبيرة, le plâtre, hein, on essuie sur tout le plâtre, hein, tout l'ensemble, pas que sur le dessus. Fahimtoum? Et avec ça, hein, l'auteur, il finit le chapitre concernant quoi? L'essuyage sur les chaussons et les chaussettes. On répète juste à titre, hein, de rappel, quelles sont les conditions pour essuyer sur les chaussettes. Shurut al-mas' al-khuffayn. Awwalan at-tawqit. Premièrement, le temps. On a dit, hein, yawm wa layla lil-muqim. Un jour et une nuit pour le résident et trois jours et trois nuits pour le voyageur. Deuxièmement, qu'il les ait portés en état de pureté. Là, on parle des chaussettes ou des chaussons. Hein. Qu'il les ait portés en état de pureté. Troisièmement, qu'il essuie dessus uniquement pour al-hadath al-asghar, c'est-à-dire l'impureté mineure, hein, et pas l'impureté majeure. Quatrièmement, que les chaussons, les chaussettes que tu portes soient pures en elles-mêmes. Hein, comme on l'a détaillé tout à l'heure, elles ne soient pas faites avec une matière impure, comme quoi le cuir de porc, par exemple. Cinquièmement, c'est que quoi? C'est que elles recouvrent les chevilles. Elles recouvrent les chevilles. Hein? Et Al-Hanabila, hein, ceux qui suivent l'imam Ahmed, l'imam Ahmed est mort en Arsène, 241 de l'Égypte, hein, les gens de l'imam de Al-Hanabila, ceux qui ont suivi, hein, le madhab de l'imam Ahmed, ont rajouté une sixième condition, c'est qu'elles ne soient pas volées. Ce n'est pas des chaussettes qu'on ait volées. D'accord? Alhamdulillah. Donc ça, c'est les conditions pour pouvoir essuyer sur les chaussons, les chaussettes, ou Al-Khouf, yani ce qu'on porte aux pieds, ce qu'on porte aux pieds, hein, pendant les ablutions. Et avec ça, on a terminé. Faya jazakum Allah khairan ya ikhwa. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك